Ouais, cadeau au Mike. T'inquiète, on va faire régner l'ordre. Ouais, ho, c'est les cadeaux au micro. Né le 18-04-09, viens dans ma tête si tu veux tester. C'est la rue qui nous a créé. 15 ans seulement, déjà arrêté, jugé emprisonné à cause de cet arbat d'ouvrier. Sortez les boucliers pour ne pas craquer, mais plutôt les claquer. T'inquiète, on va régner l'ordre. C'est pour tous les tchogros, si tu veux un autographe, y'a mon staff, vaut mieux que tu t'arraches. On fait régner l'ordre, on vient pas foutre le désordre. Bah yesh, même pas à ro, moi je dis vivre ou froid, même s'il fait froid des fois, vas-y casse-toi. Il te faut un visa pour voir cadeau au Mike. Moi je vais faire régner l'ordre. 15 ans seulement, tout a vraiment commencé. Première voiture cassée, les poulets déjà à nos pieds, vivement qu'on les fait griller. Cadeau au micro, si tu veux un autographe, y'a mon staff. Nous on vient pas vous boxer, mais vous apprivoiser. Rouvroi c'est là où ma vie a débuté, et je compte bien y rester. Sers ton bouclier ou un gun si tu comptes me jarter. Un petit coup sur la détente et tu embrasses le sol. Alors chute, bouge pas, fais-moi pas chier. Plus tard tu vas me kiffer. Nous on va faire régner l'ordre. Bientôt 16 ans tu verras, tout va changer. Nouveau rap, nouveau style, tout sera bien. Même toi mon ex-ennemi, tu deviendras mon cousin. Malgré les cauchemars vécus pendant 15 ans, le reste je compte en profiter. Surtout pas fumer, pas picoler. Je ne souhaite pas me niquer, car je sais que ça te fera vibrer. C'était les cadeaux au micro.